Le respecté camarade Kim Jong-un a fait fêter le 70e anniversaire de Choi Sung-myung, lauréate du prix Kim Il-sung, sportif du peuple et metteur en scène de la troupe de création des mouvements d'ensemble, et le 80e anniversaire des scientifiques émérites Chun Chol-lin, académicien par correspondance, professeur, docteur et chercheur de l'École supérieure d'hydraulique et d'énergétique de Ramon, et Kim Jae-bom, professeur adjoint, docteur et enseignant de l'École supérieure de médecine de Ramon.